Bonjour tout le monde, bienvenue pour votre horoscope de ce mois de septembre, c'est la rentrée. Donc ce mois démarre avec un Mars en Gémeaux qui va être proéminent parce qu'il va durer tout le mois. Et donc ce Mars en Gémeaux a une forte influence sur notre façon de communiquer, mais il apporte aussi de la véhémence, de la discorde, des tensions qui ont déjà été mises en exergue pendant la nouvelle lune là, du 27, mais ça continue pendant tout le mois. En plus, Mars était en carré avec la nouvelle lune. Donc pendant 27 jours, vous le savez, on va être dans ces énergies-là. Donc il va falloir faire très attention à notre façon de nous exprimer, de communiquer en général, même sur la route, parce que la communication, le Gémeaux, c'est aussi faire attention à pas conduire trop vite. Heureusement, il est aussi en bon aspect de Jupiter en Bélier, qui reste dans le premier décan du Bélier pendant tout le mois, et donc qui va apporter de l'énergie positive, des bonnes nouvelles au début des signes de feu, des Gémeaux et des Verseaux. Période où vous devrez vous investir à fond dans vos projets. Mercure en opposition à Jupiter va investir à fond, va exalter le besoin de parler, va vous pousser à aller de l'avant, à vous affirmer, mais attention à un côté un peu trop. Jupiter nous pousse toujours dans les excès et avec Mercure en opposition, ça va être pire. Donc c'est pour le coup que vous aurez raison d'avoir raison. Donc attention à ce côté-là. Trop d'emphase, trop d'optimisme, trop quoi en général. Mars apporte de l'ultra positif à certains et des méga conflits pour d'autres. Et surtout à partir du 10, où il se mettra en conflit avec Vénus en Vierge. Attention à vos amours et à vos sous, premier décan du Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poisson. Uranus et Saturne sont aussi en conflit tout ce mois-ci et touchent particulièrement les deuxièmes décans des signes fixes en leur apportant des blocages, des retards et autres soucis qui vont traîner en longueur. Donc là aussi, il va falloir faire attention à Saturne qui impose des circonstances extérieures difficiles et demande ou à se montrer patient ou à fournir plus d'efforts. Cet aspect est mauvais pour la Terre en général et pousse les conflits à perdurer, tout comme il pousse notre Terre aussi à se révolter. Donc attention aux révoltes, attention aux querelles, attention au tapage de poing sur la table un peu trop véhément. Le sextile Neptune-Pluton est toujours là pour nous pousser à changer notre vision des choses, à tabler sur la spiritualité, l'écologie, à garder notre calme et le cap sur nos projets le plus sereinement possible. Cette rentrée est donc assez virulente et revendicatrice, et cela dans tous les sens du terme. Donc prenez soin de vous, gardez votre calme et restez zen. Et je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à bientôt pour le mois d'octobre. Au revoir.